Bon, un hasard planétaire, non. Le hasard, c'est une mécanique qui échappe à la conscience de l'humain. Bon, c'est simplement ça. Alors, c'est pas un hasard réel. Le hasard, l'humain parle de hasard en fonction d'un imprévu. Mais c'est mécanique, c'est donc prévu. Est-ce qu'il existe un hasard cosmique? Non, il va en exister un quand il n'existera plus de hasard planétaire. Mais c'est ça, il n'y aura pas du tout la même fonction, il n'y aura rien intégré. Ah ben, c'est le même hasard qui va simplement s'estomper lentement et s'en aller voir ailleurs si on y est. Présentement, la planète est-elle dominée par deux forces, la partie nord par les intraterrestres, la partie sud par les extraterrestres? Là, veux-tu que je continue? C'est poilu comme question, ça. Tu continues? Oui. Pourquoi les gouvernements planétaires ont-ils établi un pacte avec les intraterrestres permettant à ceux-ci d'intervenir à leur guise sur la partie nord de la planète, sans jamais intervenir en échange duquel les intraterrestres leur donnaient des connaissances technologiques? Qu'est-ce que cette merde? Pourquoi cette connivence entre humains et intraterrestres? Les gouvernements avaient-ils le choix de refuser? Quelle est la relation des hommes en noir face aux intraterrestres et aux gouvernements nord planétaires? Où se situent-ils? Quel est leur rôle? Je voulais que tu continues, mais... OK. Bon, on recommence. Une à la fois, là. Une question à la fois. Oui, je pensais que c'était une petite finalité, là. Mais là, ouais. Présentement, la planète est-elle dominée par deux forces? La partie nord par les intraterrestres, la partie sud par les extraterrestres. Bon. Premièrement, il y a... Des couloirs de communication entre le monde intraterrestre et le monde de surface au pôle Nord, dans le triangle du Pacifique, auprès du Japon. Il y a une porte dans le triangle des Bermudes, il y a une porte au Québec, il y a une porte dans les territoires du Nord-Ouest, il y a quelques portes en Union soviétique, il y a une porte en Écosse près de Finorm. Il y a, bon, bref, il y a différentes portes entre le monde de surface et le monde intraterrestre. Il y en a, par contre, aussi dans le sud, dans le triangle de Polynésie, sur l'île de Pâques. Il y a des portes près de Formose, il y a des portes en Corée, il y a quelques portes pour Vietnam, mais juste à côté. Il y a une porte sur l'île de Mindanao. Alors, il y a aussi des portes entre le monde de surface et le monde intraterrestre. Le monde intraterrestre, c'est un monde qui uniquement est relié à l'involution de l'homme. Le phénomène extraterrestre apparaît et est apparu beaucoup dans le passé, dans des contextes effectivement plus sud-planétaires. Alors, il y a eu des contacts avec une partie péruvienne. On connaît un peu Nazca, mais il y a eu énormément de contacts. Il y a même des bases extraterrestres encore en opération aujourd'hui au Pérou. Il y a eu des apparitions il y en a eu en Égypte, il y en a eu partout au niveau du monde maya, il y en a eu jusqu'à l'Équateur, il y en a eu un peu au nord, mais on parle encore du contexte sud, donc on peut parler évidemment de l'Amérique centrale. Il y a eu des contacts extraterrestres, l'Afrique a été énormément contactée, l'Iran, l'Irak, Bagdad à l'époque est extrêmement sous le joug d'un phénomène extraterrestre, les Arabes, l'Inde. Bon, il y a par contre beaucoup d'apparitions extraterrestres aussi dans le contexte nord-américain. Il y en a aux États-Unis, il y en a apparemment pas loin d'ici, sur une montagne qui appartient à un certain M. Hilaire. Et il y a des apparitions de phénomènes extraterrestres et non pas intraterrestres qui sont fréquents. Quoique, certaines personnes aussi disent qu'il y a des contacts intraterrestres au niveau de cette montagne qui appartient à ce M. Hilaire. Et puis... Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, une manipulation? Est-ce que le contexte nord-planétaire est donné aux intraterrestres et le contexte sud? Non. Par contre, il y a des individus qui travaillent beaucoup plus avec les phénomènes intraterrestres. Les États-Unis ont de grands contacts avec la mécanicité intraterrestre, comme l'Angleterre d'ailleurs. Et c'est ce qui augmente progressivement certaines formes d'expression de surface, en l'occurrence le satanisme, tous les mécanismes d'évolution par la violence. On en connaît suffisamment. Les mécaniques musicaux, les mécaniques qui sont ordinaires. Et il y a, par contre, beaucoup de contacts extraterrestres aussi dans le contexte nord-planétaire. Ce qui fait que la planète est divisée en deux factions, mais elle n'est pas divisée d'une façon nord-sud. Elle est divisée entre certains individus qui, plutôt, veulent avoir un contact avec les phénomènes extraterrestres, et d'autres sont en contact avec des mécaniques intraterrestres, et d'autres sont en contact avec eux-mêmes, avec personne d'autre. Pourquoi les gouvernements nord-planétaires ont-ils établi un pacte avec les intraterrestres? Bon, Ils n'ont pas établi un pacte avec les intraterrestres, quoiqu'il y ait beaucoup de dirigeants ou d'attitudes de structure mentale sociale qui soient assujetties à la mécanique intraterrestre. Mais ce n'est pas un pacte volontaire, les dirigeants ne connaissent pas. Au Canada, on a... Je pourrais nommer des noms d'individus qui sont manipulés par la mécanique intraterrestre, alors que les États-Unis ont beaucoup de contacts extraterrestres au niveau de certaines personnes, quoiqu'on a eu dernièrement un président, Paul Reagan, mais d'autres un peu avant, qui était totalement manipulé par des mécanismes intraterrestres. Alors, il n'y a pas de connivence réelle marquée entre les dirigeants, mais il y a une incidence marquée au niveau des manipulations. Mais quand tu dis que le prédécesseur de Reagan était manipulé par des contacts intraterrestres... Son perroquet. Son perroquet. C'est-à-dire quoi? Il répétait ce que l'autre leur disait? Il était sous-conscient? C'est que le perroquet lui disait quoi faire. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est inconscient. Ah, c'est toujours inconscient. Ah, c'est pas un pacte? Parce qu'ici, ça semble dire non, un pacte. Non, c'est ça que je viens de dire. Ce n'est pas un pacte conscient. Ils sont manipulés. OK. Il y a quelques individus qui s'enorgueillissent de dire qu'ils le savent. Ils le disent pas fort. Mais... Ils l'écrivent. Ceux qui font les études essaient... Bon, je comprends une chose. C'est que la majorité des chercheurs en ovniologie ou encore en intraterrestriologie, ces personnages restent convaincus que l'humain a un libre arbitre. Donc, nécessairement, les dirigeants ont dû décider de faire affaire avec. Sinon, ils auraient attaqué, ils auraient détruit. Mais non, mais ils sont manipulés. Quelle est la relation des hommes en noir face aux intraterrestres et au gouvernement? Bon, les hommes en noir, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui date de très, très, très, très longtemps. Les hommes en noir, premièrement, un homme en noir, enfin, ce qu'on appelle les hommes en noir, ce sont des personnages qui ont vu leur naissance en Union soviétique les premières fois. Ce sont des mécaniques qui, normalement, vont être reliées à des extraterrestres déguisés en humains. Par la suite, le terme homme en noir peut s'étendre au phénomène de l'espion, mais habituellement, c'est un espion qui ne provient pas de la Terre. Donc, par extension, on peut aussi parler d'intraterrestres déguisés, parler d'homme en noir. Et normalement, quand on parle d'homme en noir, on parle d'une mécanique extra ou intraterrestre qui prend l'apparence de l'humain et qui fait office de manipulateur ou d'interveneur à l'intérieur des mécaniques sociales, des mécaniques d'évolution, des gouvernements, même de la science. Bon, pour expliquer c'est quoi l'homme en noir dans ce que, normalement, l'humain devrait utiliser le terme. Est-ce qu'il est complètement extra ou intraterrestre, ou il est né de... L'homme en noir est un extraterrestre qui est ici, qui normalement, c'est pas un extraterrestre, faut faire attention, c'est normalement un gola. Ce n'est pas un extraterrestre. L'extraterrestre, dans le contexte du plan planétaire, se détruit rapidement. C'est soit un extraterrestre qu'on change régulièrement, mais normalement, c'est un gola. Par contre, normalement, c'est un gola. Il n'a pas de parents, il n'a pas de papier, rien. C'est pour ça qu'on fait souvent référence au phénomène de l'espion. Espion intraterrestre, espion extraterrestre. Mais l'homme en noir est normalement une personne qui vient intervenir directement dans les structures politiques, qui peut détruire certains humains qui évoluent trop, qui peut s'immiscer dans des sociétés secrètes. Parce que souvent, les individus, ils sont là et ils disent « Ouais, mais on a peur de la GRC. » Il peut y avoir un homme en noir dans la gang. C'est pas avec du monde qui ont élève GRC. Il peut y avoir un extraterrestre qui vient se planter là-dedans. Alors, l'homme en noir, c'est ça. La question, c'est? Où se situe-t-il? Quel est leur rôle? Hitler semblait en avoir près de lui. Oui, mais Hitler en avait près de lui, c'est évident. Mais il savait pas, lui. C'était des espions contre lui. Adolf Hitler, non, Adolf Hitler le savait. Adolf Hitler a rencontré certains hommes en noir qui l'ont présenté à différentes sociétés secrètes et puis finalement, il a subi son cheminement jusqu'à temps qu'il relègue énormément de certains de ses travaux aux hommes en noir qui, eux, travaillaient avec Himmler, entre autres, et d'autres personnages pour engendrer, disons, une Allemagne nazie qui n'aurait pas été comme cela si Adolf Hitler aurait été au courant de tout ce qui se passait. Alors, effectivement, il y a des hommes en noir qui tournent autour de lui. Ce sont des extraterrestres personnifiés. Enfin, normalement, ce sont des gars-là qui prennent la place d'humains. Soit qu'on remplace totalement un humain par un homme en noir, mais normalement, ce sont des personnages qui ne remplacent personne et qui ont beaucoup de portes ouvertes suite à des pressions manipulatrices, soit des pressions totalement matérielles qui sont faites auprès de certains dirigeants ou de personnes faibles qui leur ouvrent les portes. Qu'est-ce que l'homme nouveau peut faire devant de telles machinations? Il éternue. Ou encore, il dit aux autres, « Recule poussière avant que je te renifle. » Mais est-ce qu'on peut les détecter, ces goûts-là? C'est les détecter. Détecter un goût-là, c'est assez compliqué parce que normalement, eux vont te détecter bien avant que tu les détectes et ils vont s'en aller très loin. Ah, c'est pas un phénomène répulsif. Alors, qu'est-ce que l'homme nouveau peut faire contre ça? Qu'est-ce que c'est qu'un homme nouveau? boulevard Nouvelle, remarquez. Ça existe pas. Ça existe, ça existe. Il y en a plein. Il y en a 144 853. Sauf que, présentement, c'est pas ici. Qu'est-ce qu'un homme nouveau? Un homme nouveau, premièrement, est un être humain qui a une densification atomique telle que la matière actuelle ne peut le pénétrer. C'est un être qui est immortel, c'est un être qui ordonne aux forces astrales, donc qui ordonne aux forces belzébutiennes. La question qu'on devrait se poser, c'est que si les hommes en noir, les intras ou les extraterrestres permettent la venue de l'homme nouveau, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, eux? Parce que l'homme en noir, c'est pas grand-chose. C'est l'individu qui est extrêmement fort, parce qu'il se promène dans un endroit où c'est tous des imbéciles puis toutes des personnes faibles qu'il y a là, sa force est proportionnelle à l'imbécilité et à la faiblesse qui l'entoure. Nous, on regarde, par exemple, des dirigeants, et je le dis souvent, vous avez juste à rencontrer votre député pour vous rendre compte que la majorité de ceux que vous rencontrez ici sont plus puissants qu'eux autres. Alors, on se dit, crime, ils dirigent les gouvernements. Oh oui, ils dirigent les gouvernements. Puis après, est-ce que ça veut dire qu'ils sont puissants? Non, ça veut dire que les gouvernements sont faibles. Puis comme c'est la masse qui va créer, qui fait des élections, bien, la masse étant faible, même si vous êtes plus puissant, vous ne pourrez pas avoir plus. La faiblesse élue la faiblesse. Mais ce n'est pas des êtres humains puissants. C'est des êtres humains qui, présentement, grâce à l'autorité qu'on leur donne, en profitent. Mais c'est eux qui vont se poser des questions. L'homme nouveau devra-t-il ou a-t-il déjà fait un pacte avec les intra- et extraterrestres en faisant semblant de chercher en eux des alliés? Non, l'homme nouveau ne fait de pacte avec personne. Il est son seul maître et son union avec quiconque est une union limitée. Il s'unit pour un travail. Quand c'est fini, c'est fini. L'homme nouveau et la femme nouvelle, ainsi que l'enfant nouveau, pourront, dans un phénomène moronciel, par des doubles éthériques, engendrer une union illimitée, par fusionnement. Mais l'homme nouveau ne se cherche pas des alliés. Les premiers alliés que l'homme nouveau va rencontrer, c'est la jeunesse humaine, à caractère suffisamment teflon, pour refuser la tradition et vouloir être suffisamment maître d'eux-mêmes pour attirer leur propre intelligence. On parle d'alliés. Mais d'autres alliés, à un moment donné, il y aura les forces inférieures de l'évolution qui deviendront les alliés de l'homme nouveau. Mais quand on parle d'alliés, c'est alliés et serviteurs. Parce que l'homme nouveau sera un maître convenable, nécessairement son serviteur et son allié. Mais ce n'est pas une alliance comme l'humain le fait, où est-ce qu'on se sépare le monde en deux quand on a gagné. Alors, faire un pacte avec les intras ou les extraterrestres, pas l'homme nouveau, non. Il y a beaucoup d'humains, oui, pas l'homme nouveau. Le fait que l'homme nouveau parle, permettra-t-il à celui-ci d'échapper aux effets nocifs des FLF, Extra Low Frequency, sur le contrôle du cerveau de l'homme? Bien, ils vendent des montres pour ça. La mienne, c'en est pas une, là. Mais des personnes qui vendent des montres pour ça. Ce sont des fréquences extrêmement basses qui sont émises par différents appareils. Et les Soviétiques ont fait beaucoup de recherches sur cela, les Américains aussi, parce qu'à un moment donné, ils ont fait un essai, ils ont émis ces ondes-là dans une station de métro, et les gens sont devenus totalement débiles, dépressifs. Ils seraient tous suicidés s'ils auraient pu. Alors, il y en a suffisamment sur la planète qui sont émises. Ça nuit le cerveau, ça perturbe énormément de choses. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'on fait référence à des cerveaux humains normaux. On ne fait pas référence à des cerveaux qui sont de plus en plus électriques dans leur communication, dans leur dépolarisation. On fait référence à des cerveaux qui sont bio-chimio-électriques. Et ces basses fréquences ont tendance à perturber les dépolarisations. Et l'ego se lisant dans le cerveau s'imagine à être ce qu'il lit. Puis nécessairement, il va normalement vers une dépression assez intense. Alors, l'homme nouveau, premièrement, il est réglé. Quand on parle de l'homme nouveau, on parle d'une finalité. Si on parle de la personne qui est nouvelisable, la personne qui est mutable, la personne qui est supramentalisable, conscientisable, on pourrait résumer par transportable, ben cet individu, la parole va l'aider, mais on en revient toujours à la même chose. Chaque fois qu'un individu a une possession, une manipulation, qu'elle soit d'ordre physique, astral, électronique, ce que l'on voudra, si vous avez la faculté de vous séparer de la manipulation, de savoir que vous êtes là, votre corps physique se met à trembler, il arrête de trembler, vous vous écrasez, vous n'avez plus d'énergie, vous n'êtes plus capable de parler. Puis dans votre caboche, vous êtes toujours là, vous. Alors vous ne dites pas, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Non. Qu'est-ce qui lui arrive? Si l'individu reste totalement lucide dans son mental, le mental vibre au-delà de toutes les fréquences matérielles ou même ionisantes, ou encore électronisantes, magnétisantes qui existent. Donc, si le mental de l'humain vibre suffisamment grand, suffisamment grande rapidité, et puissance, il ne peut pas se faire omnibuler ou assujettir par quoi que ce soit. L'idée, c'est que l'être humain, du moment qu'il lui arrive quelque chose, le mental s'en remet à l'ego. Et là, l'ego se met à chialer, puis l'humain pense que c'est comme ça. L'homme nouveau, lui, c'est un superman, une super femme, il s'est réglé. C'est un super homme, une super femme, c'est réglé. En attendant, vous, si vous êtes vous, c'est-à-dire que si quelqu'un est capable encore de vous frustrer, vous risquez de vous faire embarquer. À l'instant où chaque fois qu'on vous frustre, vous vous en rendez compte, vous êtes sur la voie d'être libre. Parce que l'ego sera frustré, l'ego gueulera peut-être, mais vous, vous êtes resté vous-même. Jusqu'à un moment donné où vous prendrez le contrôle du corps physique. Alors, ces fréquences extrêmement basses ne nuisent pas celui qui évolue, rendu à un certain niveau d'évolution. Mais c'est parce que ça ne le dérange plus qu'est-ce qu'il lit dans l'ego, ou c'est parce que vraiment ça ne le touche plus physiquement? Ça ne le touche plus physiquement. Parce que muter son corps est assez fort. Quel est le rôle occulte de la Syrie qui détruit Beyrouth par des bombardements intensifs et meurtriers? Le rôle occulte de la Syrie qui détruit Beyrouth. C'est pas mettre en Beyrouth quelque chose, c'est évident. Ça, c'est sûr. C'est intéressant, il y a énormément de cordes là-dedans. Mais il y en a une ici, non? Mais que... Non. Non, tu n'as peut-être pas besoin d'aller, ça va faire du temps. Non, c'est parce que j'envoie un paquet en même temps, c'est intéressant. Bon, premièrement, la Syrie, les Syriens, réincarnativement parlant, sont un peuple qui a toujours été un peuple de guerriers. C'est un peuple extrêmement violent, un peuple qui se nourrit dans la guerre et dans la violence. Présentement, le peuple syrien a la capacité d'attaquer, on parle de Beyrouth, on parle du Liban, la capacité de détruire une partie d'ennemis, de gens qui, un jour, les ont conquis dans le passé. Et présentement, le bombardement, le pilonnage radical de Beyrouth a comme fonction intelligente, et des choses que je ne dirai pas, pourquoi, parce que c'est dans l'avenir très proche, ça a comme fonction intelligente d'obliger l'intervention extérieure de certaines nations, et cette intervention servira de raison psychologique à d'autres nations pour pouvoir entreprendre des démarches, soit militaires, soit commerciales, soit politiques, qui normalement devraient découler dans une escalade de problématiques dans cette région. Alors, étant donné que la Libye, ça n'a pas fonctionné, les Américains ont attaqué la Libye, puis les Russes n'ont même pas... Il n'y a personne qui est trop chialé. Alors, présentement, on s'arrange pour créer de l'absurde. Un peu comme l'Ayatollah. L'Ayatollah est mort, il fallait qu'il meure. Celui qui va le remplacer dans quelques temps, pas celui qui est là et lui avec qui va mourir, c'est celui qui va le remplacer dans quelques temps de la réincarnation d'un équivalent d'Adolf Hitler, mais qui n'est pas Adolf Hitler, d'un personnage qui a vécu dans le passé, qui va revenir prendre une place qui, selon lui, lui est due. Mais pour que les peuples puissent avoir des raisons d'engendrer une purification planétaire, que l'humain appelle une apocalypse, enfin une guerre à l'échelle plus étendue, on doit engendrer de l'absurde. Présentement, le peuple de Beyrouth semble être d'être légalement en droit de pouvoir se défendre. Il ne peut pas, il ne faut pas qu'il puisse non plus. Et les Syriens devraient pouvoir arrêter, ça ne sert absolument à rien de continuer à pilonner ça, on pilonne des ruines. Mais on continue pour créer une fièvre de l'autre côté. La France s'est rapprochée, les Américains se sont rapprochés, les Russes ont commencé à les avertir de ceci, de cela. C'est comme des syndicats, ça là, s'ils t'attaquent là, ben on est contre, si t'attaques là, on est contre, si t'attaques pas là, tu devrais, si t'attaques, on est contre, on compte tout pour rien, c'est comme ça fonctionne. Alors, c'est en train simplement d'obliger une motricité planétaire. Étant donné qu'il y a beaucoup d'humains qui ont évolué, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'êtres humains qui se sont conscientisés, même dans la spiritualité, ça étire la venue d'un conflit. Alors, il y a des mécaniques par l'intelligence qui s'arrangent pour que l'humain puisse finalement faire ce qu'il doit faire. Est-ce que la mécanique est à un point de non-retour, même si ça étire? C'est jamais un point de non-retour. Ça dépend pour qui. Mais il y en a qui, c'est un point de non-retour, c'est évident. Présentement, ça étire, et ça, c'est pour entretenir la possibilité d'une apocalypse globale. Parce que si les individus sécrètent l'apocalypse déjà, c'est-à-dire que maintenant? Bien, pour beaucoup, ils la vivent déjà maintenant. Sauf que c'est une petite apocalypse, ce n'est pas du tout l'idée qu'on peut rencontrer, parce que dans l'apocalypse finale, même le monde de la mort est atteint. Donc, l'individu qui meurt s'incarne immédiatement dans le corps d'un autre. Il ne peut pas mourir. Alors, ceux qui meurent présentement, ben ils s'en vont dans leur paradis, c'est quand même pas si mal. Ils sont paradisiers. C'est pas trop pire, c'est pas un apocalypse réel, c'est pas une guerre. La population qui a fui a-t-elle intégré ou perdu une vie? Non, ça dépend bien de comment les individus ont vécu. C'est pas parce que tu fuis que tu perds ou tu intègres une vie. De toute façon, les intégrer les vies, ça, ils ne pourront pas le faire eux autres. Par contre, perdre une vie, ça dépend comment ils vivent la situation. Parce qu'à un moment donné, la vie, ils l'ont perdue lorsque la maison a explosé autour d'eux. Et explosant autour d'eux, ben là, ils ont survécu quelque chose, ils ont pu perdre une vie. Quand je dis qu'ils ne peuvent pas intégrer de vie, on parle de la majorité du peuple libanais. C'est comme le peuple québécois, s'il y a un tremblement de terre majeur, est-ce que beaucoup ont intégré des vies? Non. Il y a des exceptions, il y a des individus possiblement dans cette région. Il y a du monde puissant, mais pas beaucoup. Puis ces gens-là sont en train de se faire initier, c'est intéressant. Alors certains peuvent intégrer une vie, mais ça dépend encore une fois, comme tout à l'heure on l'a vécu. Tu peux vivre l'écrasement d'un avion, t'en sortir vivant, puis même pas avoir perdu de vie. Tu dormais tout le long. Mais qu'est-ce qu'ils font là s'ils sont aussi puissants? Ils sont Libanais. Mais comment ça qu'ils sont nés Libanais pour être aussi puissants? Pour la simple raison qu'ils ont ramassé la solidité génétique d'une partie du peuple. Donc, si on mélange, par exemple, les caractères dominants évolués du peuple libanais, mais l'enfant qui vient au monde ne vient pas au monde au Québec. Il vient au monde où sont les parents. Les parents peuvent être deux alcooliques. Donc, ils sont encore au Liban, puis ça crée une personne qui est extraordinairement puissante. On en a dans tous les peuples de la Terre. Ce sont des Québécois ésotériques, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, à un moment donné, auront intérêt à migrer vers le bouclier canadien, pour un paquet de raisons. Mais ce sont des individus qui naissent au Liban, comme il va en être un peu partout ailleurs. Daniel, j'aurais besoin de te parler. Les Russes sont arrivés chez moi. Je reçois des décharges électriques. Je sens l'ectoplasme de Lazare me têter à petit feu. Je sais que bientôt ma cellule mère va rejeter ma cellule fille. J'ai perdu mon esprit sain en décembre 87 et c'est pour ça que tu ne peux plus m'ajuster en conférence. Je sais qu'un jour je vais te nuire car j'ai enregistré des conférences. J'ai peur. J'ai juste le goût de mourir. J'aurais besoin de te parler. Bon, cette personne est une personne qui est extrêmement têteuse, premièrement. C'est une personne qui fait tout pour placer sur le dos d'autrui ses problèmes. C'est une personne qui ne veut pas supporter sa problématique. C'est une personne qui, présentement, tripe. Pourquoi je ne rencontre pas l'individu? C'est parce que l'individu, elle ne se fait pas têter par l'ectoplasme de Lazare. Elle tête les autres elle-même. Et elle projette ça sur l'extérieur. Pourquoi je ne veux pas la rencontrer? C'est parce qu'elle n'a rien à me dire, je n'ai rien à lui dire. Tout ce qui va se passer, ça va être des heures et des heures de têtage inutile. Ce qui n'est pas mon lot. La personne, elle manipule, bon, elle a le goût de mourir, mais qu'elle meure. Elle se fait têter, mais qu'elle se fasse têter. Tout ce que la personne fait présentement, elle est manipulée par quelque chose qui a toujours été chez elle d'ailleurs. C'est une personne qui se culpabilise énormément, c'est une personne qui se punit elle-même. Et son ego est tellement bien orchestré dans sa propre punition présentement qu'elle crée et elle accepte énormément de merde qui tourne autour de la société. Puis elle a décidé de se missionner inconsciemment pour être celle qui va ramasser le plus de merde possible, de façon à devenir extrêmement méritoire, de façon à attirer l'attention des entités évoluantes. Venez me sauver, je suis parfaite et pure. Et présentement, je suis attaquée par des extraterrestres. Pas grand-chose à faire. La personne, elle peut s'en sortir tout seul, n'importe quand. Moi, je rencontre des individus qui sont sauvables. Je ne rencontre pas les individus qui ne veulent rien faire. Je ne rencontre pas les individus qui ne veulent que têter. La personne, elle peut, du jour au lendemain, devenir une personne intéressante à parler. Est-ce qu'elle a déjà été? Elle peut devenir, du jour au lendemain, une personne qui peut continuer à être supramentalisable, alors que présentement, la personne, elle a décidé d'embarquer dans une espèce de roue où elle s'enfonce avec. Si je la rencontre pas, ça va s'empirer, ces choses. Parce qu'elle considère que plus ça va être pire, plus elle pourra me bouger, me manipuler pour que je la rencontre. C'est qu'il y a des individus qui, à un moment donné, ont su se rapprocher de moi par la valeur de ce qu'ils étaient. Et il y en a certains autres qui essaient de se rapprocher de moi en essayant de me manipuler et en me plaçant des choses sur le dos. La personne, elle veut travailler avec moi, elle veut être proche de moi, mais ça va être une maudite têteuse. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Si la personne, elle veut se rapprocher, qu'elle prenne d'autres voies, d'autres chemins, des voies qui font partie de l'intelligence et non pas des voies qui font partie de la stupidité astrale. Elle a des décharges électriques. J'en connais, moi, que leur tapis se déplace dans la maison. Le meuble se bouge. Puis ils ne viennent pas me dire qu'il faut que je les rencontre absolument pour leur parler. Non. C'est leur vie. Ça ne me regarde pas. Et à un moment donné, ces expériences leur permettent de se former. Une fois formées, elles deviennent plus solides. Quand on se rencontre, on parle de d'autres choses. Ah, oh, ça peut être plaisant d'en parler à un moment donné. Mais pas pour Daniel, il faut que je te parle. Non, jamais. C'est pas le chemin du tout pour me rejoindre. Il y a d'autres personnes qui se font têter de l'énergie. Et j'en connais qui travaillent avec moi. Et qui ont de maudits problèmes, ils se font têter royalement. Et ils veulent s'en sortir et ils travaillent pour prendre le contrôle de leur corps. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Et parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, on peut se parler. Alors, ils pourront se servir de certaines choses. Mais l'individu qui tient absolument à me parler, de cette façon, non. Vous devez comprendre une chose. J'ai déjà expliqué et réexpliqué et expliqué encore que la première chose que vous devez préserver, c'est votre vie. Mais je m'en fous royalement que vous vous suicidiez. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas mourir, vous allez vous réincarner. Autre chose, la personne, elle rajoute quoi? Comment voulez-vous arriver à contacter Daniel Kim? En lui disant que je sais qu'un jour, je vais te nuire car j'ai enregistré tes conférences. Donc, il faudrait que je la rencontre qu'elle ne nuise pas. L'astral les a enregistrées mes conférences bien avant les cassettes. Puis la matière que je permets qu'on vende sur cassette, puis vous pouvez même fouiller dans certaines conférences du mois, entre autres, où je demande d'interrompre l'enregistrement. Je dis des choses et après on poursuit. Ce qui est distribué est distribuable. Me nuire parce que vous avez enregistré, vous n'avez vraiment aucune idée de ce que je peux faire dans l'astral pour casser la gueule à un ego. J'ai juste le goût de mourir. J'aurais besoin de te parler. Veux-tu? Elle connaît ma réponse depuis longtemps. C'est non. Ne dis pas mon nom tout fort. La personne ici, je veux qu'elle m'écoute avec ses quatre oreilles. J'aurais besoin de te parler. Parce que vous avez un besoin, je dois devenir un esclave. Les Russes sont arrivés chez moi. Les Russes sont des êtres humains bien corrects, bien convenables. Il y a des imbéciles dans l'Union soviétique comme il y en a ici. Puis comme peut-être qu'il y en a dans la salle ici. Je reçois des décharges électriques. Oui. Vous avez peut-être un tapis chez vous. Vous avez peut-être du linge trop électrostatique. C'est peut-être une atmosphère trop sèche. Vous avez peut-être des problèmes d'électricité dans vos murs. Vous avez peut-être une certaine mutation nerveuse qui fait qu'on ressent des décharges électriques. C'est peut-être une pathologie aussi qui crée des dépolarisations ectopiques. Et vous voulez en faire un plat occulte et ésotérique? L'ectoplasme de Lazare me tête à petit feu. Dites-moi donc aussi que Dieu vient chez vous manger vos sandwichs. Il y a bien d'autres choses à faire, l'ectoplasme de Lazare, que vous têtez à petit feu. C'est comme si vous veniez m'expliquer que la bombe nucléaire est en train d'épuiser la petite batterie. C'est plutôt vous qui têtez l'ectoplasme de Lazare. Je sais que bientôt, ma cellule mère va rejeter ma cellule fille. Puis, la cellule fille qui va être là, c'est elle qui va venir me parler. J'ai perdu mon esprit saint en décembre 87. En avez-vous déjà eu un? Vous avez perdu quoi? Vous avez perdu le goût de vous prendre en main. La personne, elle a simplement perdu le goût de se tenir, le goût d'être un être humain. Elle a décidé qu'on la sauverait, puis qu'elle ne ferait plus rien d'autre, à tête. C'est pour ça que tu ne peux plus m'ajuster en conférence. Franchement. Je sais qu'un jour, je vais te nuire, car j'ai enregistré des conférences. Attendez de voir la sortie de mon prochain livre dans 2 mois. Pas le troisième du Teflon, mais de la naissance à la mort. Les cassettes, vous pourrez y brûler, ça ne vira pas grand-chose. J'ai juste le goût de mourir. Pourquoi vous me dites ça? Ça ne me regarde pas. J'aurais besoin de te parler. Sois certaine, il faut que tu comprennes bien celle qui m'écrit le papier. Que là, je viens de te parler. Il faut juste qu'elle se botte le cul. N'importe quel humain qui décide de ne plus se prendre en main fait de moi un maître. J'ai déjà vécu l'expérience dans le passé. Je ne le revis plus. Imaginez qu'à un moment donné, vous devenez maître pour sauver quelqu'un qui va se suicider si vous ne lui parlez pas. Vous devenez un maître. Vous avez 3000 disciples. Puis il y en a qui suicident pareil dans l'eau, les caves. Ils sont pas en train de devenir un maître. Suicide pareil. C'est très simple. Alors, la personne, qu'elle se prenne en main un peu, puis les Russes, puis tout ça, puis l'ectoplasme de Lazare, qui a la tête à petit feu, c'est qu'elle a des choses qui se passent chez elle, des manipulations. Elle a eu des changements évolutifs. C'est une personne qui dort, qui d'avant était très puissante. Là, elle va dire, c'est ça, ça confirme que j'ai perdu mon esprit saint. Non, non, non. Le « je », c'est ça qui est puissant. L'esprit saint, t'as perdu ton esprit saint, c'est plus comment le regarder. Il n'y a pas d'intelligence supramentale qui abandonne un corps physique. Il y a des égos qui s'illusionnent qu'ils n'en ont plus, ou qui rabaissent leur mental suffisamment pour ne plus pouvoir le voir. Non. Puis cette personne-là, si elle veut, à un moment donné, encore avoir affaire à moi, eh bien qu'elle m'écrive une autre lettre. Et ce sera sans doute la dernière fois qu'elle aura affaire à moi. Sinon, qu'elle se prenne en main, qu'elle cesse de s'illusionner qu'elle est ceci, cela ou cela, parce que là, elle se missionne. Je suis le bouc émissaire de Lazare. Je suis le bouc émissaire des Soviétiques. Je suis le... Voilà, c'est une mission. Il y en aura beaucoup sur la planète qui vont souffrir. Il ne faut pas que ce soit fou. Laissez-les faire, les autres. Ils en ont besoin. La personne qui est là présentement, elle vole la souffrance à d'autres humains. Elle a de l'intelligence. Elle a suffisamment d'informations. Si elle vit dans un cadre inapproprié, elle devrait s'arranger pour rencontrer de temps en temps d'autres personnes que moi. Parce que moi, je vais la manipuler. Mon énergie va l'enterrer. Elle ne pourra pas se réveiller. Elle devrait dialoguer avec d'autres de temps en temps. Il y a des possibilités de le faire. Dernièrement, on a même parlé au dernier PMC+. Vous n'avez qu'à téléphoner au bureau. Il y a des journées qui sont réservées spécifiquement à des rencontres entre des individus. Et c'est animé. Il y en a d'autres, c'est des ateliers. Et c'est animé. Il y a beaucoup qui ont téléphoné qui sont déjà rebookés. Bon, mais vous pouvez le faire avec. Cette personne-là, elle a intérêt à rencontrer d'autres personnes. Pas pour faire la petite fille battue dans son coin. Qu'elle développe sa parole et qu'elle parle un peu. Fais attention. Il y a possiblement une manipulation qui tait son énergie et une coloration qui lui fait dire que c'est Lazare. Parce que quoi? Parce que l'ego. Autant que ce soit Lazare ou Dieu ou quelque chose de grand. Se prendre en main, c'est facile. Une personne qui, à un moment donné, voudrait me nuire, se mettrait la main, la tête et tout le corps au complet, ainsi que son corps astral et son dôme éthérique, dans une immense explosion nucléaire. Elle n'a aucune idée de ce que ça peut donner que de vouloir me nuire. Moi, je suis extrêmement pacifique, mais ce qui m'entoure est de l'intelligence. L'intelligence, ça élimine. J'ai déjà expliqué que l'intelligence fermentale, ça plante des clous dans un mur. Votre main est là, ça plante le clou dans la main, dans le mur. Moi, j'ajuste. Un individu qui parle la voix matérielle ou par des voix occultes ou par ce qu'il voudra veut me toucher, va avoir affaire à d'autres choses qu'à moi. C'est ridicule et stupide. C'est surtout impossible. La personne se missionne. Elle a 4 ou 5 missions ici. C'est mission impossible. Se prendre en main, restructurer son évolution ou prendre une pause café d'un an ou deux de mon énergie, ce qui n'est pas mauvais. Mais cesser de s'engouffrer dans une paranoïa schizophrénique de plus en plus grandissante. Puis est-ce qu'elle m'écoute? Ben, elle est mieux. Elle peut s'en sortir. Elle a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Tout ce qu'il faudra, c'est qu'elle décide de cesser de broyer. Ça va fonctionner. Sinon, eh bien voilà. L'impuissance physique chez quelqu'un qui l'a toujours été dépend de quoi? Est-ce que ça se guérit et comment? Bon, l'impuissance physique, est-ce que c'est l'impuissance sexuelle? Qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air que oui. Ça a l'air de quelqu'un de gêné qui n'a pas voulu... Si c'est sexuel, c'est parce que vous n'avez pas rencontré la bonne femme. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais il tenait, il a écrit le papier. Ah, absolument, absolument. Est-ce que ça se guérit? Oui. Comment? En se guérissant? Ça dépend des individus, ça dépend beaucoup de la psychologie, ça dépend des contacts neuroniques avec certains muscles. Puis si c'est l'impuissance physique d'une autre façon, la question est relativement intéressante, intéressamment mal posée. C'est une impuissance physique, mais qu'elle fasse du conditionnement physique. Une impuissance sexuelle, est-ce que ce serait un bon point pour cette personne-là? Oui. Mais par contre... Sauf pour son ego, parce qu'il n'est pas normal. Par contre, est-ce qu'un impuissant sexuellement... Impuissant, c'est une vraie connerie. En tout cas, quelqu'un... Personne ne peut pas avoir d'érection. Bon. Ouais, bon, est-ce que... Bon, un impuissant. OK. Un impuissant. Bon, une personne qui ne peut pas avoir d'érection, est-ce qu'elle est moins énergétique? Non. Non, ça pas... Donc, c'est un bon point. Ben oui, c'est un bon point certain. Sauf si elle décide de vouloir être normale. Elle a un petit problème, là. J'en connais une personne qui est impuissante. Puis dernièrement, ben sa blonde, elle est enceinte. Puis il a toujours été impuissant. Fait qu'on se demande comment il a fait. Évidemment, il a fallu qu'il soit pas impuissant 15-20 minutes, quelque part dans sa vie. Il a jamais réussi à avoir de blonde ou de personne pour aller avec, parce que les bonnes femmes qu'il rencontrait, c'est des bonnes femmes qui pensaient qu'elles étaient sexuées, puis qu'elles avaient à faire l'amour, un gars qui fait pas l'amour, rien à faire avec ça. Donc, ce gars-là, il a eu juste le temps de faire, de concevoir. Oui, il a juste eu le temps de se réincarner. Mais ça devrait toujours être comme ça. Par imprégnation, c'est que l'humain cherche à partir de l'archétype, on n'a rien à foutre que... bon, prends la femme qui n'a pas de jouissance. Pendant que le bonhomme, il fait ses exercices, elle peut lire un livre, elle peut penser à d'autres choses, elle peut méditer. Mais là, elle était normale, j'ai ici, c'est ça. Bon, ben, le bonhomme n'a pas d'érection, ça change quoi dans la vie? Puis elle, la femme... Pour l'animal humain, c'est important, c'est évident. Il fonctionne à 80% par ça. Bon, c'est ça qui dirige, c'est la flèche, c'est ce qui vole dans la vie. Mais... Parce que la femme, justement, qui n'a pas de jouissance, elle aussi, elle récupère en énergie. Oui, il y a des femmes qui viennent me voir des fois qui me disent qu'ils bon, n'ont plus le goût de faire l'amour. Fait que là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et moi, je leur réponds, mais faites pas l'amour, ça peut faire. C'est un bon point pour eux. Oui, ça, je comprends que c'est un bon point pour moi. Mais c'est souffrant, si tu savais. C'est quoi le bon point? Ils n'ont rien compris. Elle est normale, elle devient naturelle. Elle comprend que c'est bien correct. Mais si tu savais comment c'est difficile, puis comment c'est... Bon, je te guérisse. C'est... Ils viennent têter, quoi. Ils viennent chercher. Bon, ben, ils viennent se plaindre. Ils sont corrects. Bon, alors, il est impuissant. C'est ça, j'aime ça, moi. C'est comme quand les jeunes filles viennent me voir dans mes cours de judo, à un moment donné, puis me disent, je peux pas en faire ce soir parce que je suis malade. Malade. Mais c'est malade, reste chez vous. Ah non, mais c'est pas une maladie qui me fait... Non, mais... Je suis malade. Mais là, j'ai mes règles. T'es menstrué, t'appelles ça être malade. Je sais pas ce qui t'éduque, toi. Tu sais, je suis malade, par aux toilettes. Mais ça, même affaire, c'est impuissant. Hey, on a les archétypes. Là, je sais pas si vous aimez ça, là, le tenez la vin. Je sais pas si celle-là... Impuissant. Se réincarne-t-on chez nos enfants de la même façon de notre vivant qu'après notre mort? On se réincarne chez nos enfants par la génétique, ce qu'on a toujours dit. Donc, l'enfant finit par ramener du monde de la mort immédiatement ce que nous avons été dans notre jeunesse et en tant que parent, au fur et à mesure de son évolution. Nous allons donc le tuer. Bon, lorsque nous sommes morts, notre personnalité ne s'incarne pas dans notre enfant, à moins que l'enfant ait réellement des vibrations dans sa psychologie ou dans l'événementiel de sa vie similaire à la nôtre. Mais normalement, on va se réincarner dans l'enfant de son enfant, une fois qu'on est dans le monde de la mort. Pourquoi c'est un laps de temps que ça prend? À peu près, en moyenne. Les individus sont pressés et paresseux, alors à peu près. Dans le monde de la mort, ils commencent par triper, par se reposer. Ils appellent ça se reposer. Ils regardent les vidéos de leur vie, là. Bon. Puis quand ils sont tannés, ben là, ils se réincarnent. Fait que dans ce temps-là, il se passe quelque chose sur la planète. Ça veut dire qu'il y a du... Ça dépend s'ils sont pas puissants dans la famille. Ça veut dire que... Il y a du temps... Je reviens juste sur l'impuissance, parce que pour certains morts, c'est extrêmement pénible. Ça devrait pas. C'est de l'astral, c'est idiot, c'est pas le mental, c'est inutile, culpabilisation, c'est un moyen de vous récupérer, un moyen de vous ralentir, un moyen de vous frustrer, un moyen de perdre son temps, un moyen de perdre sa vie. Est-ce que c'est un symptôme de l'homme transitif? En tout cas, je connais un paquet de balles qui aimerait ça être impuissant puis peut avoir de stimulation sexuelle. Il y aurait la paix. Puis quand il y en a qui en ont, ben les autres, ils veulent se faire guérir. Imaginez, vous êtes en train de regarder un film, tout va bien, puis subitement, ben là, on vous passe des images particulières qui fait que là, votre femme n'est pas dans la maison, puis là, ben là, vous avez des problèmes. Franchement, ben, autant régler ça, tu coupes tout ça. Dans l'astral, dans le monde de la mort, il y a du temps comme ça. Dans le monde de la mort, oui, mais c'est un temps qui est totalement différent du temps qu'on a. C'est un temps qui est élastique selon la vitesse avec laquelle on chemine dedans. Parce que le temps, c'est une illusion. Le temps, c'est extrêmement élastique. Plus tu vas vite, plus le temps passe lentement. Plus tu vas lentement, plus le temps passe vite. C'est-à-dire que si tu restes sur le plan planétaire, on a une... Bon, ici, sur le plan planétaire, la planète Terre, elle tourne. Hein? On a une rotation. Si on va se placer en plein sur le centre de la rotation, ça prend 24 heures. Je place le verre ici en plein centre de rotation du plan planétaire. Puis la vitesse qui tourne tellement lente, ça va prendre 24 heures à faire un tour complet. Seulement à l'équateur, ça prend 24 heures aussi, mais là, il se promène sur le plan planétaire, puis on a l'impression qu'il tourne en maudit. Par contre, ce qui arrive, c'est que si notre planète cesse de tourner, bien, on va se mettre à vieillir. Mais à vieillir, une vitesse folle. Les arbres vont pousser, puis mourir tout de suite. Tout va se dérouler, là. Très intéressant. Ça ne serait pas tout à fait vrai parce que la planète Terre a une translation autour du Soleil, ce qui lui donne aussi une vitesse. Et si on fixe la Terre autour de son Soleil, que la Terre n'a plus de rotation, là, ça se rapproche. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que le Soleil a une translation autour du centre de sa galaxie. Si on bloque la galaxie, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que les galaxies ont une expansion dans l'univers. C'est ça qui engendre la capacité que nous avons de créer de la mémoire. Plus nous allons lentement, plus tout passe, on n'a pas le temps de rien, on ne vit même plus. Donc, le déplacement engendre la matière et le temps, d'où l'explosion pour la création. Dans l'astral, étant donné que les continuums sont totalement différents, dépendant du taux vibratoire, ça va vite là, très lentement là, etc. Ce qui fait qu'un individu ne vit pas sa même... Il y a du temps, c'est de la mémoire. Il faut que ça ait le temps d'exister. Mais il ne vit pas le temps comme nous le vivons aujourd'hui. Si moi, je m'en vais dans un satellite, je rentre dans une navette spatiale, je m'en vais en orbite autour de la planète et je fais le tour de la Terre très rapidement, ça t'en fait plusieurs par jour, les orbites, je prends un jumeau, je le mets à terre, je prends l'autre jumeau, je le mets dans une navette spatiale et je le fais tourner pendant 10 ans. Quand il va redescendre, lui aura vieilli peut-être d'un an et demi ou 2 ans, alors que son jumeau aura vieilli 10 ans. Ce n'est pas la même chose. Le temps est une farce. Le temps, c'est de la matière, c'est de l'illusion. On peut jouer avec. On peut le courber, on peut l'accélérer, on peut faire ce qu'on veut avec le temps. Donc, l'astral, c'est du temps, mais pas comme on le conçoit. Le rajeunissement n'est-il pas impossible au niveau des lois physiques d'entropie qui tendent vers la déstructuration de la nature? Ainsi, il est possible au niveau des probabilités d'obtenir une solution bleutée en diluant de la teinture bleue dans l'eau, mais il est impossible de retrouver les molécules de teinture séparément des molécules d'eau par la suite. Doit-on se désassujettir des lois physiques? Bon, premièrement, les lois physiques, ce sont des lois qui expliquent ce que l'humain présentement conçoit. Lorsque le plomb n'existait pas, c'est l'orical qui le remplaçait. Lorsque l'orical a commencé à disparaître, le plomb est apparu. Il y a énormément de lois physiques, des lois qu'on a découvertes depuis le début du 20e siècle qui n'existaient pas avant. Ils se sont mis à exister parce qu'on pouvait les utiliser. L'entropie est un phénomène intéressant au niveau des lois de physique, sauf que le mental fonctionne à l'inverse. Le mental, il fonctionne à rebours dans le temps. Plus le temps passe, plus il structure et plus il crée, plus il coordonne. Alors qu'au niveau du reste de la matière, plus le temps passe, plus tout tend à être déstructuré, décoordonné, à s'user. Le métal rouille, l'eau pourrit, s'évapore, et tout se désagrège, tout se défait, sauf le mental de l'humain. Quand on parle du mental, on parle de ce qui va au-delà, donc du phénomène supramental. Lui a la capacité d'énergifier suffisamment pour être transformé. Reprenons le principe de l'eau que tu dilues. On ne peut retrouver les molécules pour rendre l'eau bleue. Disons qu'on aurait du sulfure de cuivre dans l'eau, ça va donner une teinte bleue. Plus on dilue, plus on le cuivre entre autres, plus on va répartir les particules, les atomes de cuivre à travers des bacs d'eau. Pour pouvoir retourner à l'inverse, on a le choix. Ôter les molécules d'hydrogène et d'oxygène, donc ôter de l'eau, alors on aura la concentration. Par contre, ce qu'on doit concevoir aussi, c'est que même si la concentration n'est pas la même, il y a autant de particules de cuivre qu'au début. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qu'un atome de cuivre? C'est un noyau qui est entouré d'électrons. Bon, dans l'eau, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Il y a donc suffisamment de particules subatomiques pour pouvoir créer des atomes de cuivre. Alors, on pourrait même transformer l'eau en bloc de cuivre. Ce que la science peut faire aujourd'hui, mais c'est pas rentable. Bon, on peut faire de l'or avec du plomb, on peut s'amuser comme on veut. D'ailleurs, on sait que le plutonium, c'est une matière qui n'existe pas à l'état natif. On la crée. L'Einsteinium, le californium, puis il y en a un paquet d'autres. Ce sont des atomes que l'on crée de toutes pièces et qui ont souvent des espoirs de vie d'une nanoseconde. On le crée, puis là. Ça a pris 30 ans, 3 milliards de dollars, on le crée, puis là. On applaudit, on est content. Bon, on peut en créer comme ça. Les lois d'entropie, ce sont des lois qui sont assujetties à la vision astrale de l'humain. Vision traditionnaliste qui cristallise l'événement. Mais dans l'évolution réelle, l'entropie, revenons avec le phénomène de l'entropie, qui dit que si on prend toute l'énergie de l'océan, à un moment donné, il n'y aura plus d'énergie dans l'océan. Et la Terre, c'est ce qu'elle fait. Elle ramasse tout ce qui sort du Soleil, et un jour, le Soleil aura tout brûlé son hydrogène, tout brûlé son hélium, il sera peut-être un noyau de fer, il n'y aura plus d'énergie à émettre, puis il va simplement s'éteindre ou exploser en supernova. Tout brûlé d'entropie. Mais la problématique, c'est comment se fait-il que les Soleils se créent autant qu'il y en a qui explosent. Il y a une mécanique, donc, de réversibilité, qui ne va pas avec l'idée de l'entropie, mais qui, évidemment, est acceptée au niveau de l'astrophysique, parce qu'on s'en rend bien compte. Des Soleils, ça se crée. Alors, quand on a tout fini au complet, subitement, ça se met à recommencer. Ce n'est pas de l'entropie, c'est l'inverse. Mais l'entropie aussi est une autre chose qu'on doit savoir. Quand on a épuisé toute l'énergie d'une substance, prenons qu'on dise qu'on a épuisé toute l'énergie marémotrice de l'océan, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de différence de température. Qu'est-ce qui fait que un piston fonctionne dans un moteur? C'est uniquement la différence de température. Parce qu'on crée plus de chaleur dans le piston qu'il y en a à l'extérieur, le piston descend. Ça se transforme en énergie, dont la majorité est perdue en chaleur, le reste en énergie motrice, comme le corps physique, 80% de ce qu'il consomme en énergie est perdu en chaleur, au lieu de s'en servir à course à pied, par exemple. Si on prend un moteur et qu'on le met dans une pièce dont la chaleur est identique à ce qui va apparaître dans le piston, ça va exploser et le moteur ne tournera pas. Alors, l'entropie, c'est lorsqu'on a équilibré des forces. Le Soleil tend à équilibrer l'univers. La galaxie tend à être équilibrée depuis 15,5 milliards d'années à cause de tout ce qui a été émis. Mais ce qui arrive subitement, c'est ce qui est émis, il se réunit, ça crée des nuages tels l'air, ça crée des conditions particulières. Puis à un moment donné, l'astrophysique ne sait pas encore pourquoi, on pourra en parler plus tard, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'il y a une motricité qui commence à apparaître, un mouvement qui crée un centre, et puis ça engendre un phénomène de courbure du temps et de l'espace, un phénomène gravitationnel, les particules commencent à se réunir, puis ils se réunissent tellement que l'écrasement commence à réengendrer de la chaleur, et lentement, on voit un soleil naître. L'entropie fonctionne tant que l'observateur est un égo qui est entropiste. Mais le parallèle avec le soleil, ça ressemble à quand on met un enfant au monde, que là, l'âme se réincarne. Parce que ce qui a éclaté revient. Ce n'est pas exactement les mêmes particules, mais c'est la même chose. Tandis que ce n'est pas un soleil qui, à un moment donné, dégage un autre soleil avant que lui meure. Ça, c'est la naissance. Tandis que là, on a une galaxie qui continuellement voit des cellules mourir et des cellules renaître. Ah, donc, c'est le même corps. C'est exactement le même corps. Et ce que j'explique, c'est que l'entropie n'est pas une loi cosmique. C'est une loi qui s'adresse à une vision du continuum, à une vision scientifique des mécaniques de l'actuel, parce qu'il nous manque des visions, il nous manque des choses. Alors, l'entropie n'est pas une condition qu'on peut retenir. Même astrophysiquement, on la retient peu. Donc, c'est on la tolère dans un certain contexte. Pourquoi? Ça facilite les calculs. C'est comme les lois newtoniennes de la gravité. Bon, on les tolère. Dans le contexte planétaire, avec des choses relativement grandes, les lois fonctionnent. À l'instant où on veut s'éloigner, où on approche du contexte atomique ou du contexte stellaire, ces lois-là, on les abandonne. Alors, on les tolère. L'entropie est tolérable. Mais est illusoire. Ça dépend dans quel contexte tu es placé. Ou plutôt, est-ce une vision courte? Vraie et courte. Oui, parce qu'illusoire, c'est que le marin qui se fie sur les étoiles pour trouver sa position, les étoiles n'existent plus dans la majorité des cas. C'est une illusion, non, c'est une réalité. Mais toi, tu prends un vaisseau spatial qui va à 300 000 km à la seconde, tu te diriges vers une étoile, tu es mieux d'être sûr qu'elle va être là quand tu vas arriver. Là, c'est une illusion, là, ça va te nuire. Et le marin, il s'en fout, il n'a pas besoin. Donc, c'est une réalité acceptable. Qui pour toi devient une réalité inacceptable. Est-ce que tu veux dire que lors d'un événement imprévu et dangereux ou malheureux, il faut que la personne ne chiale pas, ne crie pas, et cela permet de réintégrer une vie et énergisée par le fait même, rajeunie en gagnant une vie, et cela efface-t-il cette mémoire? si c'est dangereux, on peut intégrer une vie. Si c'est malheureux, on s'en égoïse. Dans les deux cas, de toute façon, ça va vers l'immortalisation. Est-ce qu'il y a partage de l'intégration des mémoires de vie passée sont partagées à travers les mêmes enfants, on va dire quatre filles qui digèrent les années de la grand-mère ou mère, où cela ne se fait une digérée 25 ans de la mère et l'autre 29 ans de la grand-mère? Il n'y a pas de mathématiques précises, ça dépend des corps physiques surtout, donc les quatre filles peuvent ramasser les lignées familiales des grands-parents et des parents, comme ça peut être une fille qui ramasse surtout telle grand-mère, puis les autres telle autre personne, alors ça dépend des corps physiques, c'est le même mécanique au niveau de la réincarnation, ça dépend donc de leur génétique. S'il y a plus de génétique de la grand-mère qui transparaît là-dedans du point de vue dominant, même si ce n'est pas nécessairement exprimé, un récessif plus puissant, elle va réincarner plus de grand-mère. Mais normalement, ça fait partie de la génétique qui va apparaître en dominance. Alors, ça dépend des caractères dominants de l'individu. Mais quand... moi, je suis une fille. À retenir. Donc, je réincarne ma lignée maternelle, selon les lois. Tu vas réincarner certaines parties de tes pères, mais c'est surtout au niveau de ta mère que tu vas réincarner. Puis pourquoi? Simplement parce que les mémoires de mâle ne vont pas dans un corps femelle. Même si physiquement je ressemble plus. Il n'y a pas un homme qui voudrait se réincarner dans un corps de femme. Non, mais aux lignées maternelles du côté de mon père. Ce qui arrive, c'est que tu as des chances de réincarner du côté maternel, du côté de ton père, c'est évident. Mais habituellement, du point de vue réincarnationnel, c'est surtout du côté de ta mère, cette lignée-là surtout qui prédomine. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'on a évidemment des exceptions. Tu as des incidences à réincarner du côté maternel de ta mère, c'est évident aussi. C'est plus faible, mais il y en a. Tu as des exceptions, évidemment. Les deux vont se réincarner chez toi, surtout du côté de ta mère. Alors que la lignée réincarnationnelle de la mère de ton père va se réincarner dans les filles qui font partie de cette lignée-là. L'homme évolue sur sept plans en même temps. Quels sont ces plans? Faut-il les digérer un par un? Par exemple, le premier serait biologique, ensuite l'astral, etc. Est-il possible d'en digérer en même temps? Bon, on arrête là. L'homme évolue sur sept plans. C'est une illusion. C'est une façon de mathématiser les choses. L'homme évolue sur le plan matériel, sur le plan vital, sur le plan astral, sur le plan mental, sur le plan supramental, sur le plan bouddhique, sur le plan intentionnel, sur le plan divin. Bon. Alors, on parle de sept plans. Sauf que dans le plan astral, il y a 3 millions de séparations. Et quand on parle du plan astral au plan mental, ça ne paraît pas. Il n'y a pas une porte qu'on ouvre, un corridor, un sas où on se désinfecte, on traverse de l'autre côté. Ça ne paraît pas. Donc, on a mis des plans exactement comme si on décide que tu deviens un adulte à 18 ans. Mais franchement, tu sais, 17 ans moins un jour, tu es un enfant, puis à un moment donné, à la seconde presse, paf, tu es un adulte. Fait qu'à minuit, tu es né à minuit, minuit moins 5, bat ton père. Tu es un enfant, pas grave. À minuit et 5, bon, le plus t'as 18 ans, là, que t'es responsable. C'est parce qu'on met des dates, on met des séparations pour qu'on puisse se retrouver. Mais il n'a jamais eu. Quand est-ce que l'enfant est devenu adulte? Mais évoluer, comment on évolue sur le plan astral? On évolue sur le plan astral, on n'évolue pas sur le plan astral. On évolue dans le plan astral. Mais c'est-à-dire qu'on passe au travers. Oui, c'est ça. Alors, on évolue dans le plan physique. Le plan physique peut évoluer. Amélioration génétique des corps physiques. On évolue dans le plan vital n'évolue pas. On évolue dans le plan astral mémorise, expérimente, apprend, mais n'évolue pas. On évolue par le plan mental, c'est une des structures qui nous permet de comprendre les choses. Et on évolue par le plan supramental. Quand on dit on évolue, il faut qu'on considère l'humain dans sa globalité. Ça évolue. Alors ça a la physique meilleure, ça a le contact supramental, la négociation, ça évolue. Donc on peut dire que le véhicule de la création créationnelle de l'intelligence, tous les corps au complet évoluent. Donc, mais l'humain ne peut pas digérer son corps physique. On n'a pas un ulcère à l'estomac quand l'estomac essaie de digérer l'humain. Bon, l'humain ne digère pas son corps physique, l'humain doit digérer des mémoires réincarnationnelles, et à un moment donné, il y aura une fusion, pas une digestion, une fusion, entre une mécanique supramentale qui, elle, est capable de recevoir du phénomène bouddhique et du phénomène intentionnel, mais ça se fera plus tard pour que l'humain en ait la conscience, c'est déjà en relation. Mais l'humain n'a pas ce qu'il faut pour en prendre conscience. L'humain est trop pris avec son concept illusoire de l'amour. Il existe une forme d'amour, mais un amour qui n'aime pas. Donc, l'humain n'est pas là encore. Bon. Alors, l'humain, présentement, est pris avec une mécanique qui est la copie conforme de ce qui se passe dans les autres plans. Mais l'humain ne peut pas digérer le plan intentionnel, digérer le plan bouddhique ou digérer le plan supramental. Il y aura une fusion qui se fera où toute la puissance supramentale est apportée à l'humain, mais où uniquement la conscience lucide, anégoïque, celle qui ne se prend pas pour le centre de l'univers, anégoïque pourra bénéficier de la puissance supplémentaire. On appelle cela une fusion, et là, il y aura quelque chose de neuf qui va apparaître, qui n'est jamais apparu. Éliminons 3, 4, 5 milliards de possibilités, qui n'est jamais apparu dans la création. Non, c'est, quand on dit on évolue sur le plan, c'est pas juste de dire ça. Non, en réalité, c'est qu'on chemine. Alors, on peut dire qu'on évolue dans une structure temporelle. Présentement, ici, tu as un contact avec toutes les plans, mais tu le sais pas. Ici, tu le sais, ici, tu le sais plus, ici, tu le sais plus, ici, tu le sais plus. C'est un phénomène de temps. Et présentement, l'humain, pour se déplacer dans le temps, se déplace dans la matière. Donc, on dit on évolue. On évolue comme un automobile, tu évolues sur la rue, tu évolues dans un sport. Mais on ne parle pas d'évolution dans le contexte spirituel. Quand quelqu'un disait j'évolue spirituellement, il voulait dire qu'il cheminait dans les sphères spirituelles. Alors, on peut dire on évolue. Est-ce que c'est le mental ou le supramental qui crée les voiles ou est-ce les plans bouddhiques? Les plans bouddhiques ne créent pas de voiles. Le plan supramental n'en crée pas non plus. Le plan mental peut en créer. L'ajusteur de pensée peut en créer. L'ego est celui qui en crée le plus. Médiocrisme, il vous refuse d'être. La personne tout à l'heure qui a posé la question sur les cassettes qu'elle enregistrait, elle aussi, son ego. Mais le pire, elle, c'est facile à changer. Quand je dis le pire, c'est pas que c'est le pire, ça veut dire qu'elle s'en sortira jamais. C'est que le mental tolère, le mental accepte l'idée. Alors, c'est une forme de médiocrisme. Elle ne s'autorise pas à être libre. Elle, à un moment donné, quelque chose chez elle a pris la décision, se fait ramasser pour décider que là, elle ne s'en sortait pas. Mais le mental tolère, c'est... C'est que le mental a fini par être suffisamment leurré de la vision qu'il faisait de l'ego. C'est comme moi, je vais voir un photographe, je lui dis, fais-moi une photographie, puis montre-moi là. Le photographe, il me prend une photographie, le miroir n'existe pas, par exemple. Puis l'eau, tu vois polluée, je peux pas me voir dedans. Bon. Alors, il prend une photographie, puis là, il la développe tout croche travers, il la montre. Hein, c'est ça que j'ai, moi, j'ai trois yeux, terre, par là, je savais pas ça. Puis là, je le crois. Alors, le mental de la personne, quand il regarde dans l'ego, ce qu'il voit, c'est ça. Alors, le mental, il se dit, mais merde. Et puis là, il croit tout ce que l'ego veut lui amener. Mais le mental n'a pas une vision de ses sujets complètement. Non, le mental a une vision de lui dans l'ego. C'est pour ça que le mental doit se tourner de bord avoir une vision de lui dans le supramental. Puis il se rend pas compte que c'est... Mais comment veux-tu qu'il s'en rende compte? La seule façon qu'il a d'expérimenter, de donner le mental, ce n'est pas intelligent, c'est logique. Alors les informations qu'on lui envoie, il s'en sert pour analyser, pour légiférer. Mais les informations, si on le regarde au niveau de l'ego... L'ego copie le mental qui copie tout croche, le mental, lui, il prend ça comme information. Comme l'ego appelle ça le mental, il pense que c'est le mental. Comme le mental, c'est lui, donc il pense que c'est lui. Il n'en souffre pas, lui, mais l'autre, en bas, il souffre en maudit. Fait que le mental ne fait rien pour empêcher ça. Le mental qui est convaincu que c'est comme ça. Mais c'est pas ça du tout. C'est tellement facile pour vous en sortir, c'est une vraie, ça, je vous dis, à un moment donné, il faut que je vous collecte 3 ou 4 000 piastres pour que vous me compreniez ça. Est-ce que dans les rêves sexuels, sont aussi un empêchement de remonter avec l'entité. Il y a des humains qui rêvent sexuellement? Ben là, on est rendu là, là. Sont aussi un empêchement de rencontrer avec l'entité morancielle, car le corps sécrète et à ce moment, oui. Absolument. La personne, elle le savait. Mais ça, c'est un coup de cochon, ça. C'est un coup humain, les cochons rêvent pas, ça. Non, mais c'est parce que c'est vraiment à l'insu, c'est au moment où le mental a le moins de pouvoir de légifération, puis ça fait éloigner l'entité morancienne. Y a-t-il une façon de... Comment? Oui. Mais commence par travailler dans ton conscient avant de pouvoir travailler dans l'inconscient. Si tu transformes juste le conscient, en arrière, ça n'arrivera plus pareil non plus. Si toute la journée, là, t'es exactement pur comme tu devrais l'être, et dans ton sommeil, tu ne seras pas ramassé. C'est parce que dans la journée, tu ne l'es pas que tu te fais ramasser dans ton sommeil. Donc, c'est une façon pour cette personne-là de prendre conscience qu'elle se fait ramasser? Ben, si elle décide que c'est de cette façon-là qu'elle veut l'interpréter, sinon, elle peut dire d'autres choses. J'aimerais que tu expliques le mécanisme de la pensée et comment le contrôler pour qu'il se la ferme de temps en temps pour laisser passer l'intelligence. Bon, alors, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais une technique qui est facile, c'est la démarche d'attente mentale, si vous voulez contrôler. Si vous devez ralentir le flot de pensée jusqu'à ce que les mots dans la tête soient lents comme ça, ça va les passer ailleurs, ça ne sera pas long. Ça fonctionne. La seule chose qu'il y a, il faut qu'on vous autorise à penser à le faire. Alors là-dessus, je vous abandonne. Ceux qui sont intéressés à la prochaine sortie, je vais y être et on va faire des trucs PMC en plus de s'amuser un peu, ce qui est intéressant. Ceux qui ont des enfants, les enfants sont bienvenus. C'est toujours le temps qu'ils viennent se baigner un peu avec vous dans quelque chose d'autre. Et puis, mercredi prochain, ben, ça peut être bon pour les gens. C'est la maladie du siècle, le médiocrisme. Je ne parle pas de la maladie des autres, je parle de la maladie des égaux qui vous empêchent.